en bas de l'Opéria, l'orage mensonge là. Si nous t'es qu'à côté de chez nous, Paris la pluie en harmonie, ça t'es que tu aimes et nous plus chaud. J'aime bien l'homme et moins fort.